Mais qui va réparer les pots? Les mêmes qu'ont cassé tous les ponts. Je laisse évader ces quelques mots. J'aurais pu faire parler le clon pour faire passer le temps. Skyweed posé sur le banc, mené par le vent. On sourit du shit entre les dents. Contrôler tout part, y'a que de la merde dans leurs écouteurs. J'lève mon étendard, j'représente tous ces détenteurs. On se dévoile à tort, les rapports sont dévastateurs. Touche un de mes frères si tu veux passer un sale quart d'heure. Mon histoire, y'a que moi qui la compte. La mort, dis-moi qui la dompte. Solo, j'construis ma tombe, bien fait dira-t-on. Tel j'ai damé mille râteaux. Que son mirador, elle a vu échouer mon petit radeau. J'ai juré de la pire façon. Mis en miraton, j'ai pas ma place dans le triathlon. J'rentre pas au Mirano, j'suis ivre à l'aube de Cuyado. J'l'oublie dans une pipe à eau, frère, y'a pas de pipeau. J'suis pas l'eau, la pinapole me plie la peau. Wesh, wesh, donnez-moi de la chair fraîche. Hein, c'est la merde, mec, la sécheresse. Rafale de texte, les MC restent perplexes. Mais les frères saignent et se perdent sur un sol en terre glaise. C'est la merguez, on sait se faire plaisir et causer des pertes sèches pour que tu respectes. On va les vexer sans faire exprès, jusqu'à y rester au creux des vestiges de la caisse claire. J'suis la veuve verte comme Piccolo, j'ache tout sur un air piano. La moitié de mes frères sont paro, l'autre moitié est au cachot. J'passe te voir à l'occasion, j'suis tes beux, j'fais une fusion. J'm'en sors sans tes allocations, insolent et relève. Laisse passer la relève, dans ma petite bouteille j'ai le remède. J'bois la potion, je renais, tu faiblis, j'prends le relais. Roule inter, dans mon verre, hey, frérot, tu m'en remets. Fais pas le fou, on piétine à 10, tu ressortiras en 2D. Moi les gens se déchirent et bronchis, ça s'humerait juste pour un boutique. Le temps passe, ça se prend la tête pour moi d'une clope, bande d'abrutis. J'suis dans mon coin, y'a pas de soucis. Et fuck ceux qui prient pour que tu trimes. Prêt à se vendre pour toucher une prime. J'fais ma vie pénard, j'gratte ma rime. Mais j'acte toutes ces putains films qui se croient les meilleurs, mais fous rires. J'fais pas fureur, tu fais faillite, j'rappe à pas d'heure, tu veux me salir. Mais la route tourne, t'es dans un film pour te faire, j'attends le moment ultime. Récame mes gros, faut pas pousser comme une flaque d'eau, j'tique la brousserette. Ziroc dans le raid, que la concume fait pas rep. Leur mère les timbres, ouais, j'pourrais être leur up. 10 ans dans le game que je les double fuck. France, Suisse, Belgique, enculé dans toute l'Europe. Boycotté de haut, enfermé mon pote. Est-ce que tu piges, mec? J'me balade, spliff au bec. Coffee shot dans le froc, hardcore. Train de vie trop hors norme. J'veux mon hot bar, j'soulève ta go sur un overboard. J'reviens du futur comme McFly. Bitch, j't'ai pas vu là-bas, McGuy.